You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Well, actually, I'm by myself, so email me. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà. Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, so tonight, it is just me, Freddy. Romain and Adrien have other obligations, so they are just missing out. I mean, it's kind of, you know, it's really their miss. So, all right. Well, tonight is a special night, and you know why? It's because we are celebrating Romain's birthday, even though he's not there. But he's going to listen to the show regardless at some point. So, he selected like several songs, I think 9 actually, and I'm gonna play them, and that's gonna be nice, and it's to wish him a happy birthday for his like 21st, I don't know, I'm not sure, birthday. But before that, we're gonna listen to songs about birthdays and soccer. The reason for that birthday, well, I just told you, it's because of Romain, and always his fault anyway. And soccer, well, it's football, and it's the Euro Cup 2021, which should have happened in 2020, but everybody knows that in 2020 nothing happened. We all stayed home. So soccer player did as well, and so now it's the Euro Cup and it's starting. So we're gonna listen to like just a couple of songs. The first song we're going to listen to actually is a birthday song, and so that's for Romain. The second one is a birthday song for Jean Michemuche. It's called Jean Michemuche, and Jean-Michel was a sports commentator specialized in soccer, and he was commentating on a lot of French soccer matches, so he was pretty famous. And this song is about his birthday. And it's kind of like a birthday gift because they didn't have a lot of money, and so a birthday song was better. Then we're going to listen to Ali Ole Ole, and it's another song about soccer. It's kind of like very uplifting and things like that. So after that, we're going to start the playlist of Romain's song. So we'll get back to it, and I'll tell you what it is. And then when we're going to be done with Romain's playlist, we're going to listen to more songs about Pride, gay and others, and it's the Pride month, so we're going to finish by this selection with various songs. So, and the good news, I was all talking about soccer and I didn't say the most important news, is that France won against Germany today. So France is part of the group F along with Germany, I just said that, and Hungary and Portugal. Portugal beat Hungary 0-3, which was to be expected. I mean, at least they beat them. So France beat Germany 1-0, which was kind of lucky because one of the German defense players scored against his own team. I mean, he didn't do it on purpose, of course. I hope he's going to be fine in France, in Germany when he comes back. But and France scored 2 goals, but there were some offsides, which can be discreditable, but disputable. But in any case, it was a good match. I went to see it at Bridge Pub and it was fun. So next game, Saturday, 8 a.m., and it's going to be France against Hungary, I think. Unless I'm saying something wrong, but I'm going to double check. All right. Well, I'm going to start the music so I can pick up the phone.

je t'aime. COVID vaccines are safe, effective, free, and approved for everyone over the age of 12. Getting vaccinated is the most powerful tool to keep ourselves and loved ones healthy, and to end this pandemic. Get your vaccine and get back to what matters most to you. To learn more about scheduling a free appointment, visit ramseycounty.us/COVID vaccine. Et voilà. Voilà, voilà. So, it was, first of all, Michel Sardou with Vladimir Ilyich, which is who was Lenin. Then Gérard Lenormand with Michel, a love story, and that's pretty nice. And then Serge Reggiani with Il suffirait de presque rien. And it was a live version, and he's talking about, you know, a love story with age difference and things like that, but it's important to him. So, we're going to listen to more songs. The first song we're going to listen to now, coming up, is going to be from Véronique Sanson, like Sansom kind of deal. But there's a play on word, because Sanson sounds like without sound. So, it's kind of odd for a singer. Then, her song is going to be Ma Révérence. It's a live version from Les Années Américaines. And then it's going to be Charles Aznavour with Paris au mois d'août, Paris in August. And it's pretty nice. And we're going to finish the set of three with Marc Lavoine with Je me sens si seul, I am so lonely. And it's from his album L'heure d'été, that Romain really loves. And here we go. You're still with Bonjour Minnesota on KFAI Radio, powered with your donation. And this is Freddy. Allez, on y va, Pogba. Quand je n'aurai plus le temps de tout. et grand que je suis seule au monde. Septembre, notre amour de l'été, tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau m'y attendre, mon cœur vide de tout ressemble à s'y méprendre à Paris au mois d'août. De larmes et de rires était fait notre amour, qui, redoutant le pire, vivait toujours. Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre à Paris au mois d'août. Pour te dire je t'aime, aussi loin que tu sois, part de moi-même reste accroché à toi, et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris. Ce que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres de Paris dans tes yeux, près de forme et relance notre amour un peu. C'est vrai, je fume trop. C'est vrai que je bois trop. Avec des gens qui parlent trop. Il est vrai que je traîne un peu trop. C'est vrai, je sors trop. C'est vrai, je sors trop. Ce soir, j'ai bu un ou deux verres de trop. Il est vrai que je t'aime un peu trop. Je le reconnais. C'est vrai, c'est beaucoup trop, mais moi c'est vrai. Je me sens si seul, tu me manques tant. Que j'écoute le souffle du vent. Tu me manques tant, je me sens si seul. Que j'écoute everything. Que j'écoute everything. Everything but the girl. Thank you. C'est vrai que j'en dis trop. C'est vrai que j'en fais trop. C'est vrai, je rêve trop. Il est vrai que je t'aime un peu trop. C'est vrai, c'est trop. Je le reconnais. C'est vrai, c'est beaucoup trop. Mais tu sais que c'est vrai. Je me sens si seul, tu me manques tant. J'écoute le souffle du vent. Tu me manques tant. Je me sens si seul. Que j'écoute everything. Et que j'écoute everything. Everything but the girl. Je me sens si seul. Tu me manques tant. J'écoute le souffle du vent. Tu me manques tant. Je me sens si seul. Que j'écoute everything. Que j'écoute everything. Everything but the girl. Et voilà, so we just listened to Véronique Sanson with Ma Révérence, that was the first song of the set. Then it was Charles Aznavour with Paris au mois d'août, Paris in August, and Marc Lavoine with Je me sens si seul, I'm so alone. All right, we're going to listen to more songs. So what's upcoming is Orelsan. Orelsan was a French rapper, and he's been, I don't know, like the past 5 years, he's been doing well. And the name of the song is La Pluie, or The Rain, and it's featuring Stromae, which hasn't done anything for a very long time. So this was one of his, I mean, it's one of his first collaborations for a very long time. It's a 2017, but nonetheless. Then it's going to be Elie Mitchell and Laurent Voulzy with Rio Grande. It's from the album La Même Tribu, Volume 2. And it's an album where Elie Mitchell is taking, he's covering his own very big successes, but with friends. And then we're going to listen to Jean-Jacques Goldman with Il Changeait la Vie. He was changing life. It's from a live album called Singulier. And Il Changeait la Vie means he was changing lives, more like he was impacting lives in a very positive way. And but he was very seldom and subtle, and people didn't really realize it right away. But that's someone who had an impact on people's lives. All right, on y va. On start. On commence avec Orelsan. Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Je viens de la terre.

frontière passée, nous serons blanchis, sauvés. Et voilà, voilà. And so we just listened to three songs and I'm going to list them. And then I'm going to talk about a surprise. We first listened to Auré de Sang with La Pluie featuring Stromae from his album La Fête est Finie from 2017. Then after that, it was Eddie Mitchell and Laurent Voulzy with Rio Grande. Yeah, my Spanish is not up to speed, but you'll excuse myself. And then La Même Tribu, was the name of the album. Then Jean-Jacques Goldman with Il changeait la vie. And I was surprised in between the songs to see someone coming. Et voilà. Et voilà. Et je suis venu. It's the birthday boy. Yes, yes, yes. Well, not yet, actually. It's on the 19th. You're a faker. Yeah, I know. You didn't even bring a cake or anything. No, we're not even... I say we because my wife is with me in the studio. We were driving back from Wisconsin, and I was actually listening to KFAI on 90.3 FM. You got it from Wisconsin? No, as soon as we crossed the river, the St. Croix, then we could... Yeah, but for the first, I don't know, like 5 miles, it was kind of, you know, choppy. Choppy. Because one time I was in Oakdale, so just before, like, 694, and it was kind of choppy. But then it was surprisingly good, yeah. And so we decided to stop, but just for a little while. I have to leave, like, right after the announcement at 9. So the legal ID. So in 5 minutes? Yeah. Oui. So after one song. Yeah, which one? Well, you have time to listen to Frédéric François. Well, that's not part of my selection. It's the end of your selection, actually. Jean-Jacques Goldman was the end. I know. Yeah. So perfect now timing. we're going back to the Pride selection, which we're going to play like almost the whole month of June. Yep. As long as we don't run out of Pride songs. There's quite a few. I mean, next week I'm going to play 2 hours of songs about being gay, being trans, being coming out or whatever. So is there a petit gars with Suzanne? Yeah, it's coming up actually. Yeah. I mean, it's not right away. Like that's one of my daughter's favorites. Is it? Yeah. Yeah, it's in 1, 2, 3, 4, 5 songs. So roughly, I'd say like around 9:15, it's probably going to be. I'll be back home and listening. So. Yeah. You still can listen in your car. I know, but I'll be home. Yeah. At 9:15. Good. And drive fast. Well, don't drive too fast. Plus, you live uptown, so it depends on where you go. You better not go west of Lake Street, on Lake Street west of Hennepin. Mm-hmm. We're going to listen to Frédéric François with Je t'aime comme je t'ai fait. And I love you like I made you. So he's very understanding and accepting of his son. Difference. I mean, he loves him the way he met him, and he's taking ownership about it and just want to hear about his day. Linda Lemay, after that, with Les Deux Hommes, the two men, and talking about a gay couple of men and, you know, how they are perceived and how they are hiding and, you know, the fact that sometimes they invite women just just to diffuse the neighbor's suspicions. Is it from one of her recent albums? It says 2002. Okay. No. It's from an album called Les Lettres Rouges. And it's alive. So I think that the studio album was probably preceding that. Yeah. Okay. And after that, it's going to be Vendredi sur Mer. So Vendredi sur Mer is a lady and she's gay. And a lot of her song is talking about it. And it's called, the name of the song is Les Filles du Désir. Ooh. Yeah. Quel programme. Yeah, it is pretty interesting. But it's radio, so nothing visual. And so let's go. We're going to listen to Frédéric François and then you can make the announcement, right? Sure. Unless you want to do the announcement right now. Yeah, maybe we can do that now. Yeah, why don't we do that? So I start in English? Sure. Let's do that. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis and St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. And between vous and écoutez, vous écoutez des nausies. No. Just don't try. This weekend, I just tried to explain the liaison to my youngest. He was like, but, okay. Yep. So, yeah, that was fun. All right. Well, let's play music, right? Bah oui, c'est parti, mon kiki. C'est pour ça qu'on est là. Hein? Oh, and this week, a new French influences. Yay. Ta-da! Je rentre au milieu de la nuit, tu n'es pas encore couché, ta mère est déjà endormie, veux-tu descendre me parler? Qu'est-ce qui t'arrive? As-tu envie de me raconter ta journée, de me parler de tes ennuis? Il semble bien que depuis peu que tu fréquentes ce garçon, je te sens mal et plus nerveux, à l'affût des qu'en dira-t-on. J'aurais aimé, c'est évident, que tu sois comme tous les enfants, mais sois mon fils à ta façon. Quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, qui oserait te condamner et te reprocher ta naissance pour avoir appris à aimer? Quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, je veux t'aider, te protéger et briser le mur du silence. Je t'aime comme je t'ai fait. Depuis ce jour où, par malheur, j'ai dit en pleine conversation qu'il y a toujours à la rumeur quelque part une vraie raison, tu es sorti comme un voleur en me laissant cette impression de n'être pas à la hauteur. Parle-moi juste un peu de lui, de vos projets, de vos envies, et peu importe mon garçon, qui sont ses parents, ce qu'ils font. S'il t'aime fort, il me ressemble, dis-moi d'abord ce qu'il te semble. Êtes-vous plus heureux ensemble? Quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, qui oserait te condamner et te ta naissance pour avoir appris à aimer? Quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, je veux t'aider, te protéger et briser le mur du silence. Je t'aime comme je t'ai fait, je t'aime comme je t'ai fait. Je t'aime comme je t'ai fait, je t'ai fait.

pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour. Ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein des filles désirs. Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour. Ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein des filles désirs. Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se couche sur ton ennui. J'ai fait l'impasse sur les mots doux, comme une terrasse en plein mois d'août. Fais pas semblant car je le sais, tu ne m'aimes que parce que je te hais. Mais c'est pas grave, tant pis, je prendrai un taxi. Possibilité de t'aimer comme gravir une montagne, je l'ai déjà envisagé, tu peux sortir le champagne. Je veux commencer quelque chose de nouveau, laisse-moi espérer un avenir plus beau. J'ai loué une voiture, je suis partie à la mer, toute seule, je te jure, voyage en solitaire. J'écris des chansons, je ne chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Commence d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour. Ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein des filles désirs. Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour. Et voilà. So we just listened to three songs. There was Frédéric François with Je t'aime comme je t'ai fait. I love you the way I made you. And then Linda Lemay with Les deux hommes. And Vendredi sur mer with Les filles du désir. Now we're going to talk a little bit about the events. I hope I'd... Yeah. So there's some coming up. What I recommend you to do is to go to, first, you can go in our Facebook page and look at the events and what's going on. And some Alliance Française are listing their events on their Facebook page, so we can share them. Some others don't, so we just like look at it before the week. But if you want any kind of French event, one website that is good to know is afusa.org, because they have a lot of events showing up. So, like for example, Colcoa Virtual Cinema New Releases and Award Winners, you know, it's going on all the time. So you just go to colcoa.org, I believe. Let me double check. And Colcoa is C-O-L-C-O-A. And you got to pay for the movies, but it's, I mean, the fee isn't really that exceptional, and you access some movies that you normally can't really access elsewhere. It's so it's all COA, like I was saying, but dash virtual cinema. And yeah, I'm trying to get there to make sure this is the right address. Yeah, but if you do colcoa.org, you're getting there. All right. So the upcoming movie also, there's a upcoming movie with the French Institute Alliance Française. They have, last week they had Elevator to the Gallows, which is Ascenseur pour l'échafaud with Michel Morgan and Miles Davis for the soundtrack. This week, it was tonight, it was Pepe el Moko with Jean Gabin. But next week, now you know about it, it's Tuesday, June 22nd and June 28th. There's going to be Breathless or A Bout de Souffle from Godard. And on June 29th to June 5th, there's going to be Shoot the Piano Player, Tiré sur le Pianiste. So there's a cost for it. There's a discount for the Alliance Française member of the Alliance Française members. I think you have to be in their chapters, but, you know, check it out. Other event, the world of Elsa Schiaparelli. And it's on Wednesday, June 16th, so it's tomorrow. And it's at 5:30 Central. So you can register. There's a small cost. AFUSA.org. Then, on June 18th, there's going to be the virtual private tour of Château de Gruyère and live Q&A. Gruyère is a funny name because it's, you know, Swiss cheese, pretty much. It's at 10 a.m. Central. It's on a Friday. And if you go to AFUSA.org, you can find the event and then register online. Oh, cool. En avant-première, la Fondation Pinault avec Isabelle Cocatrix. La Fondation Pinault, and it's organized by the Alliance Française of Silicon Valley. It's at 12 p.m. CST on Saturday, June 19th, and it looks pretty cool. So there's a cost and there's a discount for Alliance Française members. And the picture that's on it is actually La Bourse du Commerce in the first arrondissement, just next to where I was living. And it's a great thing. I mean, basically, it did belong to the Chamber of Commerce, and they were renting part of the spaces to various businesses connected to the Chamber of Commerce. And it was sold to La Fondation Pinault. And it's just next to a colon called La Colonne de Médicis from Catherine de Médicis. Then, regardez les vitraux de l'abbatiale de Conquest de Paix, Soulages. And it's about the windows in the church, roughly. Saturday, June 19th at 12 p.m. CST. Also organized by the Alliance Française of the Silicon Valley. Also a cost, also a discount if you're Alliance Française member. Let's cheers together. Apéro spécial Fête de la Musique. Monday, June 21st. And it starts at 5 p.m. Central and it's organized by the French Cultural Center of Alliance Française de Boston. And there's a cost for it. Ta-da! And then, there are more events, not that many, but the Club des Bouquineurs, which is a way to say, you know, it's a book club. It's organized by the Alliance Française of Sacramento, and it's on Friday, June 18th at 8 p.m. Central, and it's public, and it's online, and it's free. And you can go to afsacramento.org and event. I believe you need to RSVP so you can get the link anyway. And the logging and information will be emailed. Oh, an exciting event that's coming up. Fête de la Musique. So, Fête de la Musique is the music party, like the day of the music. And, you know, everybody can play in the street. And they typically do cultural events that are free. It's Monday, June 21st. The Alliance Française Minneapolis Saint Paul is doing something starting at 5 p.m. And I think I'm going to try to go. It's in person, so if you're not in the Twin Cities, forget about it. It's at Utepils Brewing Company. And if you want more information, you can go to afmsp.org. It's an evening of free musical performance by local musicians with Duala Soul Collective, The Rock, K Katie Joan, Megan O'Neill, and Well in the Thames. And this brewery is 225 Thomas Avenue North, Suite 700 in Minneapolis, Minnesota. They recommend to arrive early to secure a spot. And they are encouraging donations. And then on Thursday, June 24th, so it's not this week, it's the week after, it's going to be a Défi Interalliance Trivia Night. So, I mean, the Facebook event is listed under the Alliance Française Minneapolis Saint-Paul, but it sounds like it's going to be several Alliance Française doing trivia team and things like that. So that sounds pretty cool. AFMSP.org, or you can go on their Facebook page or our Facebook page. All right, I think I talked too much. Now, we're going to listen to three songs. We're going to listen to, the first one is going to be from Mécano, and it's called Une Femme avec une Femme, A Woman with a Woman. And this song was a bit controversial, but it's a beautiful song, and it was originally in Spanish, and very popular in Spain, and it got very popular in France too. It's from an album called Ana José Nacho. And then we're going to listen to Suzanne, Romain's daughter, favorite song called Tiga, Little Guy. It's from her album Toy Toy. And then we're going to listen to Vita and Slimane with a song called XY, XY, from their album Versus. And I really like them, the two of them. They are pretty cool. All right, on y va. Deux femmes qui se tiennent la main. N'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret, même nous, elle ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres, dans la rue, elle le déguise en amitié. L'une des deux dit que c'est mal agi. Pas les juger. Je ne veux pas jeter la première pierre. Et si en poussant la porte, je les trouve bouche à bouche dans le salon, je n'aurai pas l'audace de tousser. Je n'ai qu'à m'en aller. Comment tu vas leur dire, ça fait des jours que tu ressasses. Un dimanche en famille, ton père sera assis à sa place. Il te dira, ça va mon fils, t'as pas l'air, ton assiette. Alors dis-nous, ce qui cette fille que t'es fait tant tourner la tête. Entre l'entrée et le rôti, tu vomiras la grande nouvelle. Tu répondras, papa, cette fille, c'est Samuel. Mamie qui règne au bout de la table dira qu'elle n'a plus d'ouïe, que tous les plans ont refroidi. Ton père devient tout blanc, t'avais prédit le scénario. Encore plus blanc que la crème qui fond sur le gâteau. Tu leur as coupé l'appétit, ils digèrent tous le gros ragot. Imaginez, le fils prodige est un homo. Ils te regardent tous comme un inconnu, planté là dans le salon. Alors c'est toi qui fais la fille ou le garçon. T'es gêné, t'as capté dans les yeux de ta mère qu'elle se demande ce qu'elle a pu louper pour faire un fils pédé. Petit gars, t'es caché dans le noir, dans le placard, tu te fais petit. Petit gars, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime. Petit gars, t'es caché dans le noir, dans le placard, c'est trop petit. Petit gars, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime. Je veux pas d'un type comme toi, je veux pas d'une tapette sous mon toit. Dégage, va te faire soigner. Surtout ne reviens pas, tire à tourner dans des boîtes à pédales, dans des backrooms sales. Je te passe les détails, là-bas tu verras le sida. Et plus à la mode que Madonna, tu finiras en string, à danser sur un char, à gueuler avec une bande de folles que t'es fier d'avoir une tare. Et moi j'ai trop honte, tu m'as sali, ne me dis pas, t'as pas choisi. Des baffes en plus auraient servi, mon fils est mort aujourd'hui. Tu croiseras des gendarmes qui traiteront de petites baltringues, des anciens potes qui se demandent si tu les matais à l'époque. Une foule en t-shirt rose et bleu qui te regardera comme un lépreux. Fais pas d'enfant, c'est contagieux, pense à ce que dira Dieu. Tu te feras passer à tabac, tabasser sur le boulevard gratuitement par trois lascars. T'es comme une clope sur le trottoir. Petit gars, reste droit sous le poids de la bêtise. Petit gars, n'écoute pas ce que ces gens disent. T'es caché dans le noir, dans le placard, tu te fais petit. T'es gars, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime. C'est quoi un homme quand il se terre, quand il se cache pour pleurer, quand il a peur, quand il a mal à en crever? C'est quoi un homme quand il est lui, qu'il ne ment pas? C'est quoi un homme? C'est fort une femme quand on nous blesse et nous accable, on ne se plaint pas. Quand on nous laisse, que tout le monde part, on reste là. Avec les restes, on reconstruit, on est comme ça. C'est ça une femme. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend. Si t'es un homme, si t'es une femme. C'est quoi une femme? Quand on l'empêche, quand on aimerait qu'elle ne dise rien. Quand on la laisse, quand on l'enferme dans un coin. C'est quoi une femme quand elle a peur de tes mains? C'est quoi une femme? C'est pour un homme qui n'a plus peur quand il faut protéger les siens. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. C'est pour un homme qui ne trompe pas, qui se contient. C'est pour un homme. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend. Si t'es un homme, si t'es une femme. On nous demande d'être l'épaule, d'être les bras, de rester là et de sourire devant les gens quand rien ne va. On se demande bien trop de choses qu'on ne sait pas. On se demande. c'est quoi un homme? Quand il se terre, quand il se cache pour pleurer. Quand il a peur, quand il a mal en crever. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. C'est quoi un homme? Et voilà, we just listened to three songs. So, the first one was from Mécano, and it was Une femme avec une femme. Then it was Suzanne with Tiga, little guy, and Vita and Slimane with XY or XY, talking about men and women and difference and expectations and that sort of thing. We're going to listen to Scheim with L'amour à l'envers, Love Upside Down. Then Monis with A nos actes de manquer, featuring Léa Mille, To What We Missed. Then we're going to listen to Nightwork with Global Warming, Je suis gay. And sorry, I was a little bit distracted. I was like, sometimes in between songs, I read the news, and the news in uptown sucks. So, in uptown Minneapolis, freedom of speech is impaired, but I'm not here to talk politics, so I'm just going to play music. On y va. Que l'on s'embrase et qu'on soit piqué. Je veux que nos cœurs s'emballent, que l'on s'attache sans être fixé. Je veux que tu m'embrasses, que l'on se batte avant de se quitter. L'amour c'est pas banal, c'est le nirvana avec des risques. La couleur des visages, les différences d'âge. Une femme avec une femme, un homme à part ça les fait flipper. La couleur des visages, les différences d'âge. Un homme avec un homme, une femme à part. Et on oublie qu'on peut bien s'aimer à l'envers. Ces phénomènes à laisser rythmer. Je les entends quand ils parlent de notre histoire. Ils me font pitié. Mais bon, qu'est-ce qu'ils en savent de nos ébats, de nos désirs. Mais tant pis s'ils comprennent mal, on n'est pas là pour leur expliquer. La couleur des visages, les différences d'âge. Une femme avec une femme, un homme à part, ça les fait flipper. La couleur des visages, les différences d'âge. Un homme avec un homme, une femme à part. Et on oublie qu'on peut bien s'aimer à l'envers. Swimming in the stars and bumping the cars. anytime and live from 4 o'clock to 6 a.m. on Thursdays. Jam it on a birthday. Pop it on a holiday. And you know what they say. I don't celebrate July 4th. I celebrate Juneteenth. On June 19, 1865, General Gordon Granger rode into Galveston, Texas with his Union soldiers to declare the enslaved now are free, which means it's employer and employee, which means pay me. So this Juneteenth, I'll be in the sun. I was free before and I'll be free after. Tune in Saturday, this Juneteenth, from 5 to 7 p.m. for a special program. Juneteenth in demand. Head to voiceofculture.org for a list of Juneteenth events. J'aimerais tellement pouvoir te parler, juste pour te dire que malgré ce fossé, je continue à t'aimer. Cette fille pleine de joie de vivre, je me sens impuissant à te regarder souffrir. Et si mon cœur ne bat plus, je vis toujours dans le tien, parce que même la mort ne peut briser notre lien. De là où je suis, je te guiderai sur le bon chemin, ne te laisserai pas seul dans ce monde de requins. Du haut de mon nuage, je suivrai ton parcours, et quand la nuit sonnera dans tes rêves, je soufflerai mon amour. Mais s'il te plaît, oublie ces images qui t'obsèdent, oublie mon visage en sang, victime de leur haine, ne pense plus à ces visions macabres. Ne garde pas ce souvenir de ton frère qui n'est plus qu'un cadavre. Tu sais, tu t'es laissé vite, dans le fond je n'ai pas souffert. Pas trop compris au début, je pensais à une histoire de raquette. J'ai voulu appeler les secours, mais le temps de prendre mon iPhone, j'ai reçu une balle en plein cœur, car j'aimais un autre homme. Programming is supported in part by Granada Theater, presenting a variety of live performances including music, comedy, and more. Guests can find an eclectic mix from jazz to rock and everything in between. More at granadamplS.eventbrite.com. Quand j'étais un petit gamin, j'avais un rêve. J'en rêvais tous les jours de la semaine. Et un jour, en dimanche, quand les vieux sont partis voir grand-mère, j'ai fouillé chez ma mère ses bottines, un brassière, mes chevilles, un gai jour d'été. Papillon, j'ai compris soudain. Je suis gay, je suis gay, je suis homo. Je suis gay, je suis gay, je suis homo. Sois gay aussi. Aujourd'hui, je suis sûr que notre planète est sur une orbite. Une fleur gay, l'univers est gay aussi. Et dans 6 ans, l'Arctique fondra aussi. Le soleil rayonne toujours, alors hésite pas et viens, on sort. Regarde envers de terre gay, un chien, une plante gay. Et ça nous y a pas de photosynthèse, un gay jour d'été. Des papillons et dans un instant avouons. Je suis gay, je suis gay, je suis homo. Je suis gay, je suis gay, je suis homo. Sois gay aussi. Spermophile gay, une lutte gay, l'espadon. Il y a des poissons gays. Partout je vois des nuages gays. Je suis gay. Je suis gay. Je suis gay. Je suis gay. Je suis homo. Je suis homo. Je suis gay. Je suis gay. Je suis gay. Je suis gay. Je suis homo. Je suis homo. Je suis gay. Je suis gay. Et voilà, so we just listened to Chime with L'amour à l'envers. Then after that it was Moniz, A nos actes manqués featuring Léa Mille. And the last song we just listened now was Nightwork with Global Warming, Je suis gay. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. We are going up to 10. Then Nikolai from Balkan Jamboree is going to keep you company for 2 hours. In the meantime, there's about 15 minutes left and there's more songs to play. We're going to play Benjamin Biolay with Glory Hole, then Indochine with College Boy, and Joanna with Seduction. Also, just a reminder that the second part of the first season of Lupin, with Omar Sy is out on Netflix. So if you have watched the beginning of the first season, it was like 5 episodes, and now it's another 5. So, and it keeps on going. So I read also at the end that it was going to be like a part 3 or something like that. All right, on y va. J'aime d'abord surtout la nature et dans tous les goûts. Glorieux, glorieux, glorieux, glorieux. J'aime ta peau, ton corps et les tours de ta bouche au cœur. J'aime surtout d'abord ton bouquet et tes roues de cœur. Glorieux, glorieux, glorieux. À la place du mien, glorieux, glorieux. la vampire, tu réveilles la mort. Dans la fêlure où glissent mes remords et mes craintes les pires, les mauvais coups du sort. Et si j'ose un soupir avant que tu m'essores. Dans la fêlure, c'est pas la mer à boire, c'est ton désir et c'est mon désespoir. Les pensées impures que tu fais disparaître dans un murmure, ce n'est pas toi peut-être. J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you. ta peau coincée entre mes dents. J'imagine nos corps dépendants. Un petit bout de ta peau contre la mienne. Des pensées obscurantes dans ma tête. Ma voix ne peut s'empêcher de parler, mais la douleur m'empêche de résister. Ton corps est une œuvre d'art sculptée dans la pierre. Ton corps est une œuvre d'art façonnée par la mer. Ta silhouette chaloupée faisant bouger ton fessier sucré. Sorti tout droit de la nature, une beauté créature. Mais mon âme se sent abandonnée. Comme un soir en été. Oh, viens me rejoindre dans la salle de bain. Couler ta langue entre mes seins. Pourquoi se retenir, on a envie. Après tout on est samedi. J'ai pensé à ça tout l'été. Je suis pas du genre à m'abandonner. Mais ce soir. Et voilà. That's it for tonight. I'll see you next week, or hear you next week, or you'll hear me, actually. And we'll be more people. I think still another Pride show. You have a good night, and